Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une heure d'exploration scientifique. Et aujourd'hui, c'est bien d'exploration dont on va parler, même d'exploration pour trouver de l'hydrogène naturel. Oui, hydrogène naturel, donc parce que naturellement présent dans le sol. Mais où et en quelle quantité, comment on le cherche et est-ce qu'on peut l'exploiter? C'est ce qu'on va voir dans cette émission consacrée à l'hydrogène naturel. Et pour en parler, je suis entourée de trois professeurs de l'INRS, l'Institut National de la Recherche Scientifique, qui ont étudié la question et ont produit récemment une série de rapport sur la présence éventuelle d'hydrogène naturel dans le sol du Québec. Donc, avec moi au micro, il y a Jasmin Raymond, qui est professeur en géothermie. Bonjour, Jasmin. Bonjour. Également, Geneviève Bordelot, qui est professeur en géochimie de l'environnement. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Et nous avons également en France, au téléphone, Stéphane Séjourné, qui est géologue d'exploration et professeur associé à l'INRS. Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Ah, je suis rassurée, nous vous entendons. Et merci beaucoup Stéphane d'être avec nous en direct, alors que chez vous en France, il est quelque chose comme minuit. C'est correct, j'ai fait une petite sieste avant. Alors on va rentrer quand même assez rapidement dans le sujet. Je parle d'hydrogène naturel, mais on entend tellement parler d'hydrogène. Il y en a du vert, il y en a du bleu, il y en a du rouge, il y en a du brun, il y en a toutes les palettes de l'arc-en-ciel. Arrive maintenant l'hydrogène naturel. Donc qu'est-ce que c'est que cet hydrogène naturel? Ben, peut-être d'abord commencer par l'hydrogène gris. L'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures. En fait, avec du gaz naturel et de l'eau. C'est un processus qui n'est pas très environnemental puisqu'il y a émission de carbone lorsqu'il y a fabrication de l'hydrogène gris. Mais en ce moment, ça reste l'hydrogène qui est le plus utilisé ou le plus fabriqué à l'échelle planétaire. Donc, pour remplacer cet hydrogène, ce qu'on souhaite, c'est apporter sur le marché de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, lui, serait produit par électrolyse de l'eau. L'idée, c'est de prendre un électrolyseur, l'alimenter en électricité propre ou une électricité renouvelable, qui ne provient pas de sources fossiles, donc pour lequel il n'y aurait pas d'émissions de gaz à effet de serre qui est associée, et briser les molécules d'eau, donc pour faire du H2O et de l'oxygène. C'est le concept de l'hydrogène vert qu'on peut, une fois qu'on transforme en hydrogène, on peut retransformer en électricité, par exemple, avec les piles à combustible. Donc l'hydrogène peut venir un vecteur énergétique très, très intéressant, surtout lorsqu'on a besoin de stockage d'énergie. Mais l'hydrogène vert risque de coûter très cher à fabriquer. Donc, quelles pourraient être les alternatives? Une de celles-ci serait l'hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène qui est produit naturellement dans le sous-sol. On pense, dans le sous-sol, il y a différents mécanismes qui peuvent permettre la production d'hydrogène, comme par exemple la serpentinisation, c'est-à-dire l'altération hydrothermale de certains minéraux qui contiennent du fer et du manganèse, donc des minéraux qui sont mafiques. Il y a aussi d'autres mécanismes comme la radiolyse de l'eau en présence d'éléments radioactifs dans la croûte terrestre ou tout simplement le dégazage du manteau terrestre. Donc, ce sont trois exemples de mécanismes il y en a d'autres, évidemment, qui peuvent permettre la formation d'hydrogène qui peut s'accumuler dans des réservoirs souterrains et qu'on pourrait potentiellement exploiter. Donc, c'est ce qu'on appelle grosso modo l'hydrogène naturel ou l'hydrogène blanc. Et là, son avantage, c'est qu'il serait plus propre à produire, puisqu'on n'a pas cette phase de production, on a juste à l'extraire, finalement, à le sortir du sol. Oui, en fait, l'avantage de l'hydrogène blanc, c'est qu'on croit qu'il serait plus compétitif que l'hydrogène vert, donc on serait capable de produire à un coût moins dispendieux, mais tout aussi propre ou environnemental que l'hydrogène vert. Donc, pourquoi qu'on pense que le coût serait plus compétitif? C'est qu'en fait, bon, l'idée, c'est que ça serait la production serait peut-être semblable à l'hydrogène gris, donc on l'extrait du sol, mais on n'a pas besoin, en fait, de traiter des hydrocarbures pour le produire. À peu près le même type de quincaillerie qu'on a besoin pour produire l'hydrogène gris, mais on va directement le chercher à la source. Donc, plus environnemental et pas nécessairement d'émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. Donc, c'est vraiment là, c'est là que résident les avantages de l'hydrogène blanc. Mais comment on l'a découvert, là, cet hydrogène blanc, cet hydrogène naturel? En fait, est-ce qu'on en a réellement découvert sous terre ou c'est juste une pensée comme ça qu'il y en a peut-être? Et là, je vais m'adresser à Stéphane, peut-être? Oui, on en a vraiment découvert. En fait, on l'a découvert et redécouvert plusieurs fois. Et je pense que l'occurrence la plus ancienne qu'on a dans les archives de mention de cet hydrogène naturel, c'est à la fin du 19e siècle. Donc 1880 et quelques, c'était Dmitri Mendeleïev, le papa du tableau périodique des éléments, qu'on connaît bien, qui est le premier à avoir mentionné l'hydrogène naturel, à l'avoir détecté. Et puis, au fil des décennies, il s'est passé beaucoup de temps comme ça, on a continué à découvrir et redécouvrir des évidences d'hydrogène naturel par-ci, par-là, mais c'était anecdotique. Puis ça restait plutôt de l'ordre du cabinet de curiosité pour géologues. Jusqu'à la fin des années 70, où on a commencé à explorer vraiment les fonds océaniques, les dorsales océaniques, puis on s'est rendu compte que ces dorsales océaniques, donc là où les plaques océaniques se séparent, par exemple au milieu de l'Atlantique, on s'est rendu compte qu'il y avait des grandes quantités d'hydrogène gazeux qui sortaient des roches à cet endroit-là. Ça, c'était important du point de vue académique, parce que ça posait des questions, puis ça amenait des réponses aussi sur l'origine de la vie sur Terre, sur d'autres planètes. Mais c'est resté au niveau académique jusqu'à encore, dans les années 1980 à peu près, un peu plus tard, quand dans un village du Mali, le village de Bourakibougou, en forant un puits pour chercher de l'eau potable, on a découvert de l'hydrogène naturel, par hasard, un peu par erreur, parce qu'il y a eu une explosion associée à ça, on ne s'attendait vraiment pas tantôt à trouver de l'hydrogène, un gaz combustible, alors qu'on cherchait de l'eau. Et c'est pas ça qu'on cherchait, c'est qu'on a rebouché le puits, et puis c'est rien passé encore pendant une autre vingtaine d'années, 25 ans, jusqu'à 2010 à peu près, une compagnie d'exploration s'est dit, tiens, on va aller voir. Ils ont pris des échantillons du gaz, ils l'ont analysé, ils se sont rendus compte que c'était de l'hydrogène naturel, de l'hydrogène plutôt, qui était pur à 98%. Et ça a vraiment frappé les esprits. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a commencé à chercher délibérément pour de l'hydrogène naturel, parce que c'est la première fois qu'on se rendait compte que c'était pas juste dans le fond des mers et inaccessible, mais aussi sur Terre, et que ça pouvait s'accumuler sous forme de réservoirs. C'est vraiment là qu'on a redécouvert encore une fois l'hydrogène, mais dans un contexte, un moment où on se rendait bien compte qu'on avait besoin d'autre chose que l'hydrocarbure, on avait besoin de gaz combustible, mais sans les effets nocifs qui accompagnent les hydrocarbures, fait que l'hydrogène naturel arrive au bon moment, et c'est ça qui crée l'intérêt, le renouveau d'intérêt pour l'hydrogène maintenant. Et on l'exploite, ce gaz au Mali? Cet hydrogène, au Mali, il est utilisé? C'est un bien grand mot, on l'exploite, mais pas à grande échelle, on l'exploite sous forme d'un projet pilote. C'est-à-dire que j'ai dit que ça avait été découvert dans un village qui s'appelle, je ne sais pas si je l'ai dit, Bourakibougou. Et ce village-là, le puits historique a été découvert au milieu du village. On a fait d'autres puits d'exploration autour pour essayer de comprendre ce gisement, et on produit cet hydrogène maintenant sous forme d'un projet pilote. C'est-à-dire que c'est à petite échelle, à l'échelle du village, puis ça sert à électrifier, dans le fond, fournir l'électricité au village. Ah oui. À l'extérieur, en dehors de ce projet pilote-là, il n'y a pas encore d'exploitation commerciale d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait de découverte qui soit suffisamment grande pour justifier qu'on le produise et qu'on l'exploite, qu'on le vende. Mais il y a énormément de découvertes. En fait, on a redécouvert, on est retourné voir toutes les petites occurrences, incidences d'hydrogène dont je parlais avant, et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus qu'on le pensait. En fait, il y en a sur tous les continents, dans différents environnements géologiques. Ça peut être des émanations de gaz en surface. On a l'hydrogène en profondeur dans les roches qui remonte vers la surface, qui s'échappe dans l'atmosphère, puis on le détecte dans les sols avant qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est un gaz quand même léger, donc même s'il se forme, il doit se faufiler dans les entrailles, remonter en surface et puis s'échapper dans l'atmosphère. Sauf si on a des roches couvertures qui sont suffisamment étanches, et que ça n'arrive pas toujours, effectivement, mais il y a des cas particuliers où ça peut s'accumuler en profondeur. Et puis on a vu aussi que ça s'accumulait dans certains réservoirs de gaz naturel, par exemple en faisant des forages pétroliers ou gaziers. Il y a certains forages qui ont montré qu'il y avait parfois 50% mm-hmm. d'hydrogène dans le gaz. Et puis, plus récemment, j'ai vu une publication scientifique, c'est des chercheurs qui ont mis en évidence dans une mine de chromite en Albanie, donc c'est loin de chez mm-hmm. nous, mais la géologie est comparable à celle qu'on a au Québec, dans une mine en Albanie, à force de descendre et de creuser des paliers de plus en plus profonds dans la mine, les mineurs ont fini par intersecter un niveau où il y avait de l'hydrogène naturel qui maintenant s'échappe par les galeries de mine jusqu'en surface. Et ces chercheurs, au début de l'année, ont publié un article dans lequel ils avaient estimé que chaque année, cette mine-là libérait dans l'atmosphère finalement 200 tonnes à peu près d'hydrogène naturel. Donc, on peut le trouver dans différents types d'environnements. Ça sort par le sol, ou on le trouve dans des réservoirs pétroliers classiques, ou on le trouve dans le fond des mines. On peut le trouver dans différents environnements géologiques, vraiment. Mais ça fait, avec tout le passé minier qu'on a un peu partout sur la planète, comment ça se fait qu'on ait mis tant de temps que ça à découvrir qu'il y avait, à réaliser qu'il y avait vraiment de l'hydrogène? Bon, apparemment, on en a, vous le disiez, on en avait quand même trouvé des traces, mais comment ça se fait qu'on ait mis si longtemps que ça à s'apercevoir que ça valait le coup d'explorer un petit peu où est-ce qu'on pouvait retrouver l'hydrogène, qu'on s'y intéresse seulement maintenant, finalement? Ben, je dirais, pour prendre la question, qu'avant, il y a peut-être moins d'intérêt, considérant les besoins de la transition énergétique. Stéphane, bon, a mentionné la découverte du Mali, puis son exploitation via des projets pilotes au tournant des années 2010. Si on remonte il y a peut-être une décennie ou un petit peu plus, ben on était, disons, peut-être au début de cette transition énergétique et il y avait peut-être moins d'intérêt pour la transition énergétique. Maintenant, de plus en plus, ce qu'on veut, bon, c'est de lutter contre les changements climatiques. On est bien au fait de cette réalité et on a besoin de trouver des alternatives et ça presse, en fait. On veut, le Canada va être une nation carboneutre d'ici 2050. Donc, si on veut vraiment atteindre ces objectifs-là, ben ça prend des solutions de remplacement. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à l'hydrogène, de façon générale, l'hydrogène vert ou l'hydrogène blanc. Si je vous donne un chiffre pour le Québec, notre consommation énergétique là, annuelle, c'est environ 1730 pétajoules. De toute cette énergie-là, il y en a à peu près 48%, 834 pétajoules, qui proviennent des hydrocarbures, donc du pétrole et du gaz naturel. Comment faire pour les remplacer? Je pense qu'à court terme, bon, ce qu'on envisage au Québec, c'est d'électrifier le plus d'usages qu'on peut et de remplacer ces produits pétroliers par de l'électricité propre, en guillemets, qui nous proviennent soit d'hydroélectricité, d'éolien. Mais il y a une limite à ce que l'on peut électrifier. Il y a certains secteurs industriels, comme les aciéries, les alumineries, qui ont besoin de la chaleur haute température, qui serait très difficile à générer avec de l'électricité, pour lesquels on a besoin d'un combustible. C'est à cet endroit-là que l'hydrogène peut être utile. D'autres secteurs aussi où on pourrait avoir besoin d'hydrogène, le transport longue durée, que ce soit par bateau ou par camion. C'est quelque chose qui est difficilement électrifiable à cause des longues durées et des besoins de parcourir de grandes distances. Donc, c'est là qu'on entrevoit des besoins pour l'hydrogène. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit soit verte ou blanche ou qu'elle soit propre, qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre pour atteindre ses objectifs de transition énergétique. Et les quantités qu'on a besoin, honnêtement, elles sont astronomiques. Oui. Donc, il faut miser sur plusieurs sources. Je crois qu'à court terme, il y a eu beaucoup d'emphase sur l'hydrogène vert, ce qui est bien. Mais la réalité, c'est que le coût va être important. Donc, si on veut rendre ça plus accessible, bien, peut-être que l'hydrogène blanc pourrait être une alternative sur laquelle il faut nécessairement se pencher, puisque ça va probablement venir en complément et ça pourrait être un apport en approvisionnement énergétique propre qui pourrait vraiment nous aider là, c'est ça, à atteindre ces objectifs de transition énergétique. J'aimerais que vous, parce que vous nous en avez parlé un petit peu rapidement, Jasmin, puis peut-être que Stéphane pourra répondre aussi, nous disiez dans quelles circonstances, dans quelle formation géologique, parce que vous nous avez parlé de serpentinisation, mais c'est un petit peu obscur là pour la plupart des auditeurs, des auditrices. Donc est-ce qu'on trouve ça finalement dans des roches sédimentaires, dans des roches volcaniques, je ne sais pas, je dis n'importe quel mot, mais dans quel type de formation géologique ça va se former et dans quel type de formation géologique il va y avoir ces fameux réservoirs, je ne sais pas, Jasmin ou Stéphane? Ben, je peux peut-être y aller rapidement, puis je vais laisser Stéphane compléter. En fait, c'est qu'on en trouve dans plusieurs types d'environnements géologiques. Pour avoir une ressource intéressante en hydrogène, ben, au départ, bon, ça prend une roche source, qu'on pourrait dire. Donc, un mécanisme qui va produire l'hydrogène. La serpentinisation des roches en est une. Et ça, en fait, ce type de mécanisme-là, on va le retrouver dans les endroits où on a des roches ultramafiques. Ça veut dire quoi? Des roches qui contiennent des concentrations en fer et manganèse, par exemple, des anciens lambeaux de planchers océaniques qu'on peut retrouver dans le secteur de Thetford Mines, disons, dans le sud du Québec, pour vous donner un exemple. Mm-hmm. Donc ça, c'est un des mécanismes qui peut produire de l'hydrogène. Un autre mécanisme est la radiolyse de l'eau. Donc, en présence de roches faiblement radioactives, l'eau qui est bombardée par les rayons alpha, on peut perdre sa structure et se séparer en H2 et oxygène. Donc là, ces roches radioactives, c'est plus du granit? En fait, oui, des intrusions typiquement qu'on dit felsiques, donc qui sont contraires de mafiques, qui contiennent peu de fer manganèse et qui peuvent contenir des éléments naturellement radioactifs. Un endroit au Québec où on retrouve des roches faiblement radioactives sont les intrusions montérégiennes, par exemple. Et ça, c'est des mécanismes pour produire l'hydrogène. Maintenant, si on veut avoir un réservoir, il faut être capable aussi d'avoir une accumulation. L'hydrogène doit être trappé dans le sous-sol. Donc, elle doit être produite dans un contexte où il y a aussi des roches de couverture qui vont avoir une faible perméabilité à l'hydrogène pour qu'il y ait une accumulation substantielle. Est-ce que Stéphane, vous vouliez rajouter autre chose sur sa formation, stockage d'hydrogène dans le sous-sol? Je peux toujours rajouter sur le sujet comme ça. Mais oui, Jasmin a bien résumé ça, peut-être pour mettre ça en contexte pour les auditeurs qui n'ont pas une carte géologique devant les yeux. On peut, de manière schématique, diviser le Québec en deux, au nord et au sud du Saint-Laurent. Au nord du Saint-Laurent, on voit des roches qui affleurent en surface, qui appartiennent au bouclier canadien. C'est des roches très anciennes. C'est là qu'on a souvent des bonnes roches qui peuvent servir de source pour l'hydrogène. Au sud du Québec, ces roches-là du bouclier canadien continuent aussi en profondeur, mais on les voit pas. Elles sont recouvertes par des roches sédimentaires, comme disait Jasmin. Et c'est là qu'on se trouve avoir la meilleure combinaison roches sources en profondeur et roches potentiellement réservoirs au-dessus. Ça fait une diversité géologique qu'on a au Québec qui est très intéressante pour l'exploration pour l'hydrogène. Ça complique un peu les choses aussi au sud du Saint-Laurent. Donc, on a des roches sources, mais elles sont enfouies sous les roches sédimentaires. À quoi elles ressemblent, où elles sont exactement? C'est là qu'entrent en jeu les considérations d'exploration. Faut être sûr de bien comprendre la géologie en profondeur. Ben justement, allons-y donc dans l'exploration. Là, je vais me tourner vers Geneviève, que nous n'avons pas encore entendue. Donc, comment on le cherche, cet hydrogène? Parce que là, on peut avoir des idées. On connaît, d'après les mécanismes de formation et de stockage, si on a des connaissances de la structure, des roches, des formations géologiques en sous-sol, on a peut-être des petites idées, mais c'est juste des idées. Donc après, comment on fait pour voir s'il y a vraiment de l'hydrogène à tel ou tel endroit? Oui, bien, c'est une excellente question. C'est sûr que la première étape, c'est ça, c'est de regarder les roches qui sont en place dans les différentes régions du Québec. Là, ça nous donne une idée du potentiel, en fait. Bon, est-ce que cette région-là pourrait en générer ou pas, mais ça ne nous donne pas d'indication qu'il y en a qui est généré. Ensuite, il faut regarder justement du point de vue historique. Comme vous disiez, non seulement, on l'a découvert assez récemment, du moins disons pour son importance, c'est non seulement parce qu'on s'y intéressait moins parce qu'on était en amont de la transition énergétique, mais c'est aussi parce qu'on l'analysait pas. Tu sais, faut savoir que quand on mesure des gaz, on fait une analyse en laboratoire, il faut savoir quoi demander pour l'analyse. Mm-hmm. Si on demande une analyse, par exemple, typique dans des puits d'hydrocarbures, par exemple, on va aller chercher le méthane, l'éthane, le propane, des choses comme ça. Les analyses chimiques qui sont faites typiquement pour ces gaz-là, ces hydrocarbures-là, ne permettent pas en même temps de faire l'hydrogène. Pour la simple raison que dans les instruments de mesure analytique, ce gaz-là est transporté par un gaz qui sert seulement à les transporter, en fait, qui est de l'hélium. L'hélium est très, très près de l'hydrogène, hein, et donc ça masquerait le signal de l'hydrogène. Donc, quand on demande une mesure typique de gaz d'un puits d'hydrocarbure, on n'obtient pas l'hydrogène. Donc, si on veut l'avoir, il faut le chercher spécifiquement. Ça, ça n'a pas été fait historiquement, à part dans de rares cas. Il y a certains puits d'hydrocarbures pour lesquels on peut avoir des mesures. Même chose dans les mines, en fait. Il y a eu des découvertes dans les mines qui sont documentées dans des articles des années fin 90, début 2000, parce que spécifiquement, disons, par exemple, s'il y avait eu un cas d'explosion dans une mine, c'est un exemple comme ça, une mine où on sait que c'est pas possible qu'il y ait du méthane, alors là, on se dit, quel gaz combustible pourrait être là? On peut aller faire une analyse puis dire, ah, voilà, c'est de l'hydrogène. Donc, c'est plutôt des occurrences comme ça qui sont dans les données historiques qu'on peut recenser dans la littérature puis qui nous donnent des indications que, ah oui, tel endroit ou tel endroit, il semblerait y avoir de l'hydrogène. Par contre, il y a beaucoup de ces exemples-là que c'est pas nécessairement des vraies concentrations d'hydrogène, ça peut être souvent des artefacts chimiques, parce que l'hydrogène peut, si on a de l'acier, par exemple, d'un puits d'hydrocarbure qui va réagir avec de l'eau, ça peut libérer l'hydrogène. C'est pas l'hydrogène qui était en place dans les formations géologiques, c'est juste qu'il s'est formé par les interactions entre l'acier et l'eau. Et là, on peut avoir des pics d'hydrogène dans nos analyses puis se dire « wow, c'est génial ». Mais après, il faut regarder un petit peu plus loin ces données-là puis se dire est-ce que ça risque d'être un artefact ou pas. Donc, il y a tout un travail à faire là-dedans. Pour distinguer cet hydrogène qui serait formé par... donc, c'est la réaction de l'eau avec l'outil en acier. Oui, c'est ça, ou avec le puits. C'est ça, ou un hydrogène qui viendrait réellement du sous-sol. Exactement. Ça, ouais, donc, ça, c'est un peu le premier défi avec les données historiques. Ensuite, on peut regarder aussi quel autre proxy est-ce qu'on peut avoir dans les données existantes là, disponibles publiquement. Par exemple, au Québec, on a des données, minières, pétrolières, quelques-unes. On a des données sur les concentrations de radon, par exemple, qui accompagnent souvent, justement, la production d'hydrogène dans des formations géologiques là, qui contiennent des roches radioactives. Donc, en cas de radiolyse, dans ce cas-là. C'est ça. Donc là, on pourrait avoir comme proxy le radon. Ensuite, on peut regarder dans les eaux souterraines. On commence à avoir des belles bases de données sur la chimie des eaux souterraines au Québec. Et là, on peut se dire, OK, s'il y avait une production d'hydrogène en profondeur, comment est-ce qu'elle atteindrait la surface? Bien, peut-être de façon préférentielle à travers des failles qui sont perméables. Est-ce qu'on a des failles perméables? Là, on peut aller voir dans les eaux souterraines puis dire, est-ce qu'il y a des endroits où on aurait beaucoup de salinité, par exemple? Parce que les eaux très profondes sont beaucoup plus salées. Est-ce qu'elles peuvent remonter le long de ces failles-là? Si on trouve des occurrences de salinité comme ça ou de méthane, avec des hydrocarbures qui remonteraient, ça pourrait nous indiquer qu'on peut peut-être avoir une faille perméable puis que ça serait un bon endroit pour aller chercher. Maintenant, le seul endroit où on peut réellement chercher puis faire des mesures, c'est dans les gaz des sols peu profonds parce que, évidemment, l'idéal, hein, ça serait de faire peut-être un forage à 1 kilomètre de profondeur, mais on ne peut pas investir sans savoir si on va avoir de l'hydrogène. Donc, on se rabat sur les gaz en surface en se disant que cet hydrogène-là remonte vers la surface, va migrer, puis qu'on peut peut-être le mesurer dans les gaz du sol. Et puis là, on s'en va avec nos instruments, puis on mesure les gaz dans le sol, puis on peut dire, OK, je crois que cette faille-là est peut-être perméable parce que j'ai vu des indications dans les eaux souterraines. Et là, on va aller prendre des mesures de façon perpendiculaire à la faille en se disant, est-ce que quand je suis avant la faille, au-dessus de la faille et après la faille, est-ce que j'ai des concentrations d'hydrogène qui varient? Donc, c'est un peu ça, en fait, notre méthode actuellement. C'est très imparfait parce que personne ne sait si réellement ce qu'on mesure dans les sols est un indicateur de ce qui est produit en profondeur. Il y a toutes sortes de processus dans les sols avec les microbes qui peuvent générer de l'hydrogène, qui peuvent consommer de l'hydrogène aussi. Donc, s'il y en avait des émanations, c'est possible que les microbes le consomment aussi. Donc, on en est là dans la recherche présentement. En fait, c'est notre seul outil vraiment qui est à notre disposition. Puis, on essaie de trouver les meilleures méthodes là, justement pour avoir des valeurs représentatives. C'est comme un monde qu'on découvre. J'ai l'impression que quelque chose de complètement nouveau qu'on découvre. Et donc, il faut développer les connaissances comment se forme l'hydrogène, mais les outils pour l'explorer, ça doit être assez palpitant de travailler sur ce sujet-là. Oui, c'est vraiment fascinant parce que tout le monde travaille en même temps à essayer de développer un nouveau domaine. Puis c'est vraiment une espèce de la genèse d'un domaine en science. Puis c'est assez le fun pour nous. Ouais. Et nous continuons notre émission spéciale hydrogène naturel, toujours avec Jasmin Raymond, professeur en géothermie à l'INRS, Geneviève Bordelot, professeur en géochimie de l'environnement à l'INRS, et Stéphane Séjourné, géologue d'exploration et professeur associé à l'INRS. J'espère que vous êtes toujours en ligne, Stéphane. Oui, je suis là. Alors, en première demi-heure, on a vu que l'hydrogène naturel est un hydrogène qui se forme naturellement dans le sol et qu'on n'a pas besoin de fabriquer. Il faut peut-être quand même faire que le traitement, peut-être pour le purifier et avant de pouvoir l'exploiter comme il faut. On a vu dans quelles formations géologiques il peut se former et dans quelles conditions géologiques on est susceptible d'en trouver. Alors, la question qu'on se pose, qu'en est-il au Québec? Et je pense que donc, vous avez produit, à vous trois, et peut-être avec d'autres collaborateurs aussi, une série de rapports pour faire un peu un état des lieux. Qu'est-ce qu'il est possible, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec les formations géologiques du sous-sol du Québec? Donc, qu'en est-il finalement? Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut s'attendre à trouver réellement de l'hydrogène au Québec? Jasmin? Ben oui, certainement. Il y a des contextes qui s'y prêtent au Québec. Tantôt, je parlais du sud du Québec avec le secteur de Thetford Mines, par exemple, qui contient des roches ophiolitiques, donc des anciens lambeaux de plancher océanique, qui pourraient avoir des roches ferro-magnésiennes. Stéphane m'a d'ailleurs souligné que j'ai fait un lapsus tantôt et je disais qu'il contenait du fer et du manganèse, pas du manganèse, mais bien du magnésium. Et ça, c'est un des contextes intéressants, en fait, qui est propice à la serpentinisation. Mais c'est plusieurs de ces roches-là, en fait, ont déjà été serpentinisées, ce qui a donné naissance aux mines d'amiante de la région de Thetford Mines, mines qui ne sont plus exploitées, mais dans ce secteur-là, ça pourrait être un endroit intéressant. Sauf que ça ne veut pas dire que l'hydrogène est là, il a pu migrer et être ailleurs. Exactement, je pense que c'est un endroit qui est intéressant pour comprendre, étudier le contexte de la formation de l'hydrogène. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes formations qu'on regarderait. Ce qu'il faudrait regarder, c'est des formations plus en profondeur peut-être, dans lesquelles il pourrait encore peut-être se générer de l'hydrogène. Mais ça, c'est un exemple qu'on a recensé au Québec. Il y en a plusieurs autres. Peut-être je vais laisser Stéphane continuer sur la question, qui est un peu l'expert en ce moment au Québec sur la recherche d'hydrogène. Stéphane? Vous avez combien d'heures? On a identifié une trentaine de zones, plus ou moins grandes. Et sans les passer toutes en revue, elles sont distribuées en grande partie dans le sud du Québec parce que c'est là qu'on a historiquement le plus de données. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'il y a le plus de potentiel. C'est juste c'est là qu'on a le plus d'informations pour bien comprendre c'est quoi les sources possibles et les réservoirs. Mais il y en a aussi au nord du Saint-Laurent dans le bouclier canadien. Ça, c'est des données qui reposent plus sur des informations qui viennent de l'exploration minière. Et comme le disait Geneviève tantôt, typiquement, les gens ne collectaient pas ce genre d'informations. Fait qu'on a fait un petit peu un travail de moine pour essayer de trouver des informations relatives à l'hydrogène. Puis tantôt, Valérie, avant la pause, vous disiez on a l'impression de découvrir un nouveau monde. Mais c'est un peu l'impression qu'on avait en faisant ce travail-là, parce que c'est une géologie qu'on connaît, mais on l'a regardée sous d'autres aspects, avec d'autres intérêts. Puis là, on l'a revisitée en cherchant spécifiquement des indices sur la présence ou sur la possibilité d'avoir des roches qui peuvent produire de l'hydrogène. Et on a découvert un nouveau monde, effectivement, par exemple. L'information était souvent déjà là dans certaines mines d'Abitibi. Il y a dans le fond des mines, dans l'eau qu'on peut trouver dans le fond des mines, il y a parfois de l'hydrogène qui est dissous dans l'eau. Pas des grandes quantités, mais ça montre qu'il y a un mécanisme géologique naturel qui est là, qui existe et qui produit de l'hydrogène. Ou au Québec, donc j'ai mentionné les mines en Abitibi, mais il y a aussi le Témiscamingue, il y a plusieurs endroits à l'intérieur du bouclier canadien, puis Jasmin a bien expliqué le secteur de Thetford Mines avec les ophiolites. Fait que ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on trouve effectivement historiquement plein de petites mentions qui disent qu'effectivement il y avait de l'hydrogène ou il y a quelque chose qui pourrait produire de l'hydrogène ici ou là. Mais notre travail, attention, il y a... en fait, vous l'avez bien montré, bien dit tantôt, Valérie, on a regardé où étaient les roches qui pouvaient produire de l'hydrogène. Mais il y a parfois un malentendu. Nous, c'est pas faute d'avoir utilisé le mot possible ou potentiellement, en prenant beaucoup de précautions pour pas créer un engouement indu, mais c'est facile de faire le pas et puis de penser qu'on va trouver absolument de l'hydrogène. C'est pas du tout ça qu'on dit. On dit que si on cherche de l'hydrogène, il y a probablement plus de chances d'en trouver ici que là. Et c'est plutôt dans certains secteurs que d'autres qu'il faudrait commencer à faire de l'exploration. Parce que le Québec, c'est presque 1,5 million de kilomètres carrés. On peut pas commencer un peu au hasard. Fait qu'on essaie de rationaliser peut-être les premiers efforts pour maximiser les chances de trouver de l'hydrogène dans le futur. Maintenant, passons à l'étape d'après. On a trouvé réellement de l'hydrogène. Comment on fait pour exploiter cet hydrogène, Geneviève? Ah, ça, c'est une des grandes questions, effectivement. Puis, comme on disait, il y a tellement de types de roches sources possibles qui sont localisées à différentes profondeurs, des roches couvertures aussi qui seraient localisées à différentes profondeurs, que les réservoirs d'hydrogène risquent d'être assez variés. Et donc, l'exploitation, la production va vraiment dépendre du type de réservoir, du type de roche dans lequel c'est situé, à quelle profondeur. Donc, pour le moment, la recherche n'est pas assez avancée pour dire vraiment comment on va pouvoir l'exploiter. C'est sûr que si on regarde le cas au Mali, par exemple, ils peuvent aller capter l'hydrogène avec un puits tout simple d'une centaine de mètres. Juste pour vous donner une idée, un puits d'une centaine de mètres, c'est un puits pour l'eau potable, pour nous. Nos puits d'eau potable font 50, 100, 150 mètres, alors que les exploitations d'hydrocarbures, par exemple, peuvent aller à 2 kilomètres. Donc, c'est ça, le cas du Mali étant très particulier par ailleurs. On ne s'attend pas à voir ça là, nécessairement ailleurs. Donc, c'est ça. Il est trop tôt pour le dire présentement. L'exploration est en cours. Il y a personne d'autre que le village au Mali qui produit présentement. Donc, c'est ça, c'est un peu trop tôt pour savoir. Mais est-ce que ce gaz, cet hydrogène, bon, dans le cas du Mali, il est quasiment pur, mais dans les autres cas, est-ce que on s'attend à avoir de l'hydrogène pur ou est-ce qu'il va falloir le purifier, séparer l'hydrogène d'autres choses? Oui, effectivement, l'idéal, hein, c'est de trouver un gaz pur, un hydrogène pur à 98%, mais encore là, ça risque pas d'arriver à beaucoup d'endroits. Là où il a été détecté l'hydrogène à travers le monde, c'est en mélange généralement avec d'autres gaz. Donc, quels sont ces autres gaz-là? Il y a de l'hélium, entre autres, de l'azote, il va y avoir du CO2, du méthane, et les proportions de chacun de ces gaz-là vont varier aussi selon le type de gisement, en fait, le type de roche qui a produit ou de mécanisme géologique qui a produit cet hydrogène-là. Donc oui, il est associé avec d'autres gaz. Ça peut poser des défis parce qu'effectivement, s'il est associé à d'autres gaz, il va falloir les séparer en sortant. Par contre, ça amène aussi des opportunités. Si l'hydrogène, par exemple, est associé à de l'hélium, même si c'est en très faible proportion, l'hélium vaut très, très cher. Hein? On en a besoin pour des applications d'imagerie médicale, entre autres. Donc, on n'irait peut-être pas le chercher à ces pourcentages-là, mais si on l'obtient en cherchant l'hydrogène, bien, assurément que les compagnies vont trouver ça intéressant de le séparer, de le capter et de l'utiliser, de le vendre par après. Et est-ce qu'il y aurait des risques environnementaux ou même des risques de sécurité? Parce que, bon, on l'a vu avec le cas du Mali, ça explose quand même. Donc, quels seraient les risques, les enjeux de sécurité et de risques pour l'environnement aussi? Oui, bien, tout à fait. C'est sûr que toute activité que les humains font comporte des risques. C'est un gaz combustible, donc oui, il faut prendre des précautions. C'est aussi un gaz qui réagit facilement avec d'autres molécules, donc il faut prendre des précautions. Mais ça, ce bout-là, on le connaît quand même pas mal bien parce qu'on a déjà plein d'autres couleurs d'hydrogène qu'on produit. Donc, les risques associés, les matériaux qui sont compatibles, on les connaît quand même assez bien. Ensuite, pour ce qui est des risques environnementaux, il y a une partie des risques. En fait, disons que l'industrie analogue la plus facile à comparer, ça va être l'industrie des hydrocarbures, par exemple, parce que c'est une industrie qui va puiser dans des réservoirs de sources d'énergie qui sont à quelques kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on fort des puits de production, on a une infrastructure aussi de distribution, tout ça. Donc, il y a certains risques qui, surtout si on parle, par exemple, de ce qui va se passer à la surface du sol. Hein, il va peut-être falloir construire des routes, ça va faire lever de la poussière. Des fois, on peut transporter des produits quelconques, pétroliers, disons, juste pour approvisionner. Il peut y avoir un déversement. Tout ça, c'est des risques qu'il faut évaluer dans une étude environnementale qui est vraiment complète, mais c'est des risques qu'on comprend assez bien. Ensuite, il y a des risques, si on parle vraiment là, spécifiquement à l'hydrogène, disons qu'on produit à partir d'un puits, il y a des risques qui vont avoir lieu de façon normale dans la production et l'utilisation de cet hydrogène-là, comme n'importe quelle autre source d'énergie. Puis il y a des risques qui sont plutôt associés à des défaillances, s'il y a une fuite, par exemple. Mm. Donc, si on regarde du côté des émissions atmosphériques, par exemple, si on capte de l'hydrogène naturel, puis qu'on a des puits, il va assurément y avoir un certain taux de fuite, comme il y a un taux de fuite pour les puits d'hydrocarbures. Et puis, cet hydrogène-là, disons qu'il fuirait vers l'atmosphère. L'hydrogène est un gaz à effet de serre indirect, en ce sens qu'il va aller, par exemple, prolonger la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Ah oui. Sauf que là, quand on regarde ça, il faut regarder aussi c'est quoi les proportions d'hydrogène qui pourraient fuir provenant d'un puits versus tout ce qui est émis de façon complètement naturelle. Mm. Parce que dans les sols, il y en a de l'hydrogène, ça dégaze, ça s'en va vers l'atmosphère. Donc, c'est là que, dans le fond, ça pourrait être vraiment des miettes, peut-être, comparativement à ce qui est produit de façon naturelle. C'est là qu'il faut faire des évaluations plus globales des émissions naturelles d'hydrogène. Donc, ça, c'est dans le cas d'une fuite ou un taux de fuite qui serait jugé normal, disons. Ensuite, il y a aussi le fait de brûler de l'hydrogène. En fait, la combustion de l'hydrogène produit de l'eau. Hein, l'eau, c'est assez banal, mais ça demeure un gaz à effet de serre. Après, il faut encore là faire un bilan, dire est-ce que vraiment on va créer beaucoup, beaucoup plus de vapeur d'eau que ce qui s'évapore naturellement? Ouais. Tu sais, c'est toujours une question de proportion. Donc oui, on peut s'accrocher au fait que l'eau est un gaz à effet de serre ou l'hydrogène va aller prolonger la durée du méthane, mais il faut regarder ça dans son ensemble, faire des études qui disent, bon, mais justement, si on exploite, c'est quoi finalement notre influence à nous par rapport à tous les processus qui se produisent de façon naturelle? Donc ça, c'est pour l'atmosphère. Ensuite, l'autre compartiment environnemental, disons, qui pourrait être affecté et qui nous est cher, c'est les eaux souterraines. Ouais. Hein, parce que au Québec ou ailleurs dans le monde, surtout en région rurale, périurbaine, les gens s'approvisionnent beaucoup par les eaux souterraines pour leur eau potable, donc il faut absolument les protéger. Quels seraient les impacts? En fait, en conditions normales d'exploitation, il n'y a pas d'impact. Mais s'il y avait une fuite, par exemple, le long d'un forage, ben là, faut savoir s'il y a une fuite d'hydrogène. L'hydrogène, ça va dans les sols en contiennent de l'hydrogène, mais ils en contiennent quand même assez peu parce que les petits micro-organismes qui sont dans les sols aiment bien ça le consommer, puis en produire aussi, là, il y a plein de réactions. Si on leur en donne vraiment beaucoup d'un coup, qu'est-ce qui va arriver? Ben, peut-être qu'ils vont être vraiment contents, puis qu'ils vont en manger vraiment plus et produire des réactions qui vont créer, qui vont produire des sous-produits qui ne nous intéressent pas, qui pourraient contaminer nos nappes phréatiques, par exemple. Mais ça, c'est, il faut vraiment l'étudier et regarder. Ça fait beaucoup d'inconnus, tout ça. Ça fait beaucoup d'inconnus, mais si on regarde, à date, il y a eu, à ma connaissance, deux études sur le terrain, là, en conditions réelles, une en France et une en Allemagne, où les chercheurs avaient un site bien établi avec des puits de suivi environnemental dans un aquifère. Et puis, ils ont fait exprès d'injecter de l'hydrogène, d'injecter là, dans un pulse d'hydrogène pendant quelques heures. Et puis de suivre ça pendant un mois. Et puis, ils ont vu très, très peu d'influence. En fait, c'était même difficile de détecter l'influence dans les puits. Ça, c'était pour une fuite qui était ponctuelle. Maintenant, si on disait qu'il y avait une fuite qui durait pendant un an, ça serait peut-être autre chose parce que le milieu s'adapterait, les bactéries s'adapteraient, puis peut-être que là, il y aurait un changement dans les réactions là, que ces bactéries-là produisent, mais c'est ça. Bref, il y a davantage de recherches à faire sur quelles sont ces réactions-là, à quelle vitesse. En fait, les réactions, on les connaît assez bien, mais il faut savoir à quelle vitesse elles se produisent dans les eaux souterraines. Mm-hmm. Oui, on voit tout. On voit l'ampleur de ce nouveau champ de recherche qui est en train de s'ouvrir. Et maintenant, si on en vient du côté de l'industrie, parce que bon, j'imagine qu'il y a peut-être quelques intérêts industriels, il y a peut-être des gens qui commencent à poser des drapeaux sur des parcelles de terrain pour dire « ici, c'est à moi, j'ai trouvé de l'hydrogène ». Stéphane, est-ce qu'on observe une sorte de ruée vers cet hydrogène? Oh oui, clairement. Clairement, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'hydrogène, c'était en 2017. À peu près, ça ne nous rajeunit pas. Puis à l'époque, et puis pendant une couple d'années, j'étais capable de dire, de savoir qui faisait de l'exploration pour l'hydrogène, les noms des compagnies, les noms des chercheurs dans les universités qui s'intéressaient. Ils n'étaient pas nombreux, on n'était pas nombreux. Mais je dirais que depuis l'an passé, là, 2023, moi j'ai arrêté de compter. Mmh. Début de cette année, en janvier, une compagnie, un cabinet de conseil qui a sorti une statistique. Eux avaient compté 40 compagnies d'exploration chercher l'hydrogène naturel, je parle du monde entier. Ouais. Et puis, avec Geneviève, on était la semaine dernière à Paris pour une conférence annuelle sur l'hydrogène, qui s'appelle le HNAP. Et à cette conférence, c'est quelqu'un qui nous est arrivé avec une statistique, une liste de 100 compagnies, une centaine de compagnies qu'il avait compté. Ah oui. les chiffres importent peu, mais c'est l'ordre de grandeur qui est significatif. Ça augmente très, très vite. Il y a un engouement qui est nouveau. Dans le fond, c'est une discipline qui est très récente, donc qui attire beaucoup de gens. Ça fait comme un appel d'air. Il faut combler ce vide-là. C'est clairement une ruée. Moi, ça ne m'inquiète pas parce que c'est normal que ça crée un engouement, mais ce qui va rester après cet effet d'annonce, c'est des projets sérieux qui sont bien construits au départ et eux qui vont perdurer. Tout ce qui n'était pas sérieux, moins bien ficelé, ça va disparaître. Le fait que ce soit une ruée, ça ne m'inquiète pas du tout. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt encourageant parce que ça permet d'amener plein d'idées fraîches, de penser hors de la boîte et puis d'essayer des choses nouvelles. C'est encourageant, effectivement. Et est-ce que les producteurs classiques d'énergie, donc les pétrolières, etc., est-ce que ça fait partie des industriels qui se ruent vers ces éventuels sites d'hydrogène? Assez peu. Ouais. C'est assez caractéristique ou typique des grandes compagnies pétrolières, les majeures. Typiquement, elles restent assises sur le banc et elles regardent qui va faire une découverte dans les petits poissons, puis ils vont les racheter. Fait que ces gens-là, on les voit dans les congrès, effectivement, mais ils restent un petit peu en dessous du radar. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui viennent du domaine pétrolier et qui cherchent, plutôt que des hydrocarbures maintenant, qui se mettent à chercher soit de l'hélium, soit de l'hydrogène naturel. Parce que c'est une reconversion qui est facile. On parle de fluide. Tout ce qui est un liquide ou un gaz qui circule dans la roche, c'est des choses que ces gens-là comprennent très bien. Et de l'autre côté, on a aussi des gens qui viennent du domaine minier. Et eux apportent aussi quelque chose de complémentaire à l'exploration pour l'hydrogène. Ils apportent leur connaissance des roches sources. Et qu'on a besoin des deux mondes, finalement, faire la synthèse des deux. Le domaine minier qui comprend les roches sources où on produit l'hydrogène et le domaine pétrolier qui comprend les roches réservoirs où viennent s'accumuler les gaz. Mais est-ce que ça demande de modifier les lois sur les mines, le code minier, parce que c'est des nouveaux produits, c'est pas du pétrole, c'est pas de la roche. Oui. Donc, comment c'est encadré? Là, on va ouvrir une boîte de Pandore, parce que on peut aborder le problème à plusieurs niveaux. Et, je vais parler du Québec en deuxième, mais d'abord, contexte général. Comme c'est nouveau, l'hydrogène naturel, c'était historiquement pas encadré. C'est que les premiers à avoir encadré ça, mettre ça dans leur loi, c'est l'État d'Australie-Méridionale, donc Adélaïde, en 2021, si je me rappelle bien. Pour eux, c'était assez facile parce qu'ils avaient, ils faisaient déjà de l'exploration et de l'exploitation pour les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Donc, ils ont simplement ajouté le mot hydrogène naturel dans leur loi sur les hydrocarbures. Très facile. L'année suivante, en 2022, les Français ont fait de même, mais eux, ils n'ont pas eu facile, parce que comme au Québec, en France, l'exploration pour les hydrocarbures est interdite maintenant. Ah oui. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était intégrer ça à leur code minier. Ils appellent ça le code minier. Mais c'est pas très difficile non plus, parce qu'ils avaient déjà intégré l'hydrogène. C'est que ça a grenouillé pendant quelques années. Ils se sont demandé comment adapter le code minier à un gaz, l'hélium, en l'occurrence, c'est un lapsus. Et donc, pour eux, c'était facile d'ajouter l'hydrogène naturel à un code minier qui incluait déjà un gaz comme l'hélium. Maintenant, pour nous, au Québec, le problème reste entier. Code minier au Québec, ça réglemente les substances solides. Ça ne marchera pas pour l'hydrogène, clairement. On a aussi une loi sur les hydrocarbures, mais elle sert surtout... en fait, elle a été vidée de sa substance par une autre loi qui s'appelle, si je me rappelle bien, la loi... mettant fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures et au financement de ceux-ci. Bon, le titre est long, moi j'appelle ça la loi qui dit qu'il est temps de passer à autre chose. Et vous voyez que ça nous aide pas non plus pour encadrer l'hydrogène. Fait que c'est clair qu'on a besoin d'un cadre réglementaire pour pouvoir travailler et faire de l'exploration pour l'hydrogène naturel au Québec. Quelle forme ça peut prendre? Là, je suis pas la bonne personne à qui il faut poser la question. Ça dépend plus des juristes, mais du point de vue, de mon point de vue, donc quelqu'un qui applique cette loi, qui l'utilise au quotidien, c'est sûr qu'il y a un vide juridique et il faudrait combler ce vide-là avant qu'on puisse vraiment se retrousser les manches. Oui, si je peux compléter, il y a effectivement un manque réglementaire au Québec en ce moment. C'est normal parce que c'est une ressource qui est toute nouvelle, on pourrait dire. Mais actuellement, quelqu'un qui fait une découverte au Québec peut pas dire ben la découverte, elle m'appartient. En fait, typiquement au Québec, toutes ressources naturelles appartiennent à l'État. Elles sont souvent cédées par le biais de claims d'exploration. Ouais. Mais pour ce qui est le cas de l'hydrogène, il y a aucune... toute fin pratique, là. Il n'y a pas de réglementation claire qui encadre ce domaine. Donc, et puis, je pense pas qu'on est rendu à l'étape où on a besoin de faire des travaux de forage pour aller démontrer si réservoir il y a ou non, mais on risque d'arriver à cette étape-là éventuellement. Donc, en prévision d'eux, il serait important de réglementer la filière pour que ça soit fait d'une bonne façon, façon à bien définir qui possède les droits d'exploiter les ressources, mais aussi de définir le cadre environnemental pour que l'exploitation se fasse de la bonne façon. Ça serait important. Oui, exactement. Et là, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à ce que ça peut réellement donner, parce qu'on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène naturel. Bon, certains vont créer victoire et ça y est, ça va nous sauver, on va pouvoir remplacer tout le pétrole avec ça. Et puis, mais peut-être que c'est pas vrai du tout. Donc, quels sont les usages réellement envisageables? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose? Est-ce que c'est trop tôt pour dire quelque chose? Moi, je dirais... En ce moment, actuellement, il y a un consensus quand même assez fort au niveau de la communauté scientifique, comme quoi qu'il existe de l'hydrogène dans le sous-sol et qu'il y a des mécanismes pour la produire. Est-ce qu'on peut maintenant trouver une panoplie de réservoirs dans lesquels l'hydrogène s'accumule en concentration et en quantité suffisante pour l'exploiter de façon commerciale? C'est la grande question à laquelle il faut répondre. Et si on en trouve, est-ce qu'on va pouvoir le faire dans un cadre réglementaire pour s'assurer de préserver l'environnement? Je crois qu'actuellement, il y a assez d'indices pour nous dire qu'il faut s'y attarder. Par exemple, la découverte au Mali il y a quelques années, l'année dernière aussi, découverte importante en France de gisements d'hydrogène qui ont été rapportés. Comme ça peut être un des moyens de parvenir à notre transition énergétique et à réduire nos émissions de carbone, il faut nécessairement s'y attarder. Est-ce que ça sera une ressource importante pour arriver à cette fin de transition énergétique? L'avenir va nous le dire. Et c'est le temps de faire la recherche. Et puis, on verra dans 5 ou 10 ans. Ça serait le fun de se reposer la question. Pour faire du pouce là-dessus aussi, on est en train de sortir progressivement de l'ère des hydrocarbures qui répondaient à la plupart de nos besoins. Dans la transition énergétique, on n'aura pas une source d'énergie qui va répondre comme les hydrocarbures répondaient. Il va y avoir plusieurs sources d'énergie. L'hydrogène vert en fait partie, l'hydrogène blanc en fera peut-être partie. Une source importante, il faut voir, est-ce que c'est une source importante globalement dans, disons, toute l'économie énergétique du Québec ou mondiale, ou ça peut être aussi une ressource importante localement, parce que c'est une source d'énergie qui peut être décentralisée. On va essayer de l'exploiter là où elle se trouve. L'idée, c'est pas de faire voyager 5000 km, mais c'est peut-être quelque chose qui va être très utile, par exemple, une mine dans le nord, ou une communauté isolée, justement, plus nordique, qui est complètement dépendante du diesel importé. Mm-hmm. Peut-être que dans des cas comme ça, s'il y avait des ressources en hydrogène naturel, ça pourrait devenir vraiment intéressant pour eux. Donc, c'est ça. On est vraiment dans une espèce de boom de recherche. Puis dans les prochaines années, c'est ça, dans 5 ans, le portrait va être complètement différent. On va avoir une compréhension complètement différente de la ressource, à qui ça va être utile, puis où est-ce que ça va pouvoir être exploité. Stéphane, est-ce que vous avez... Oui? Oui, j'irais assez dans le sens de Geneviève et Jasmine. Ma boule de cristal, à moi, elle me dit que l'avenir de l'hydrogène naturel passera par des petits projets locaux, proches d'un utilisateur final. Ça ne fait pas de sens de transporter l'hydrogène trop loin, ne serait-ce que du point de vue économique. Et je reviens à l'exemple que je donnais tantôt de la découverte dans une mine en Albanie. 200 tonnes d'hydrogène qui sont ventilées au shaft de la mine chaque année. C'est petit à l'échelle d'une province. Québec, par exemple, mais c'est grand à l'échelle de cette mine-là qui pourrait d'un coup devenir énergétiquement autonome. Ah oui. Et je pense que l'avenir passerait par des petits projets comme ça de démonstration pour finalement apprivoiser cette nouvelle forme d'énergie puis savoir comment la déployer à plus grande échelle. Après. Je pense que ça va être le mot de la fin en attendant que d'en savoir plus, mais j'ai hâte de vous réinviter tous les trois peut-être dans 1 ou 2 ans pour voir le bond des connaissances qui seront arrivées et voir quelle avenue prend cette filière de l'hydrogène naturel. Alors, merci à tous les trois de nous avoir fait découvrir cet hydrogène naturel. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Jasmin Raymond, professeur en géothermie à l'INRS, Geneviève Bordelot, professeur en géochimie de l'environnement également à l'INRS, et Stéphane Séjourné, géologue d'exploration et professeur associé à l'INRS. Alors, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.